Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Révolution française vue du Bas-Canada. Si on est passé aux Anglais en 1760, c'est pas la faute à la Pompadour, tout ça, c'est que la Providence, dans sa sagesse éternelle, avait vu qu'il y aurait une révolution et que c'était pour nous en épargner les horreurs. L'historien Claude Galarneau à l'émission Au fil du temps, 1989, cette idée d'une conquête providentielle, idée selon laquelle les Anglais nous auraient sauvés des horreurs de la Révolution et des idées révolutionnaires, eh bien, cette idée, elle sera tenace, très, très tenace chez nous. Ce concept de conquête providentielle sera d'abord véhiculé par le clergé, l'Église catholique, et par le pouvoir colonial britannique. Mais au-delà de cette théorie pour le moins intéressée, la question reste plutôt de savoir quel écho aura eu la Révolution française au Bas-Canada au moment où elle s'est produite et plus tard, quelle retombée elle aura finalement eue chez nous. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Souvent, on croit que le Canada français, au plan culturel, était isolé, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup parlé et entendu parler de la Révolution dans le Bas-Canada. Les journaux en ont parlé, la Gazette de Québec, la Gazette de Montréal, qui était bilingue, tout comme la Gazette de Québec. Ils en ont parlé très favorablement. Et dans le cas de la Gazette de Montréal, ce qui est intéressant, c'est que le fondateur, M. Mesplet, non seulement va parler favorablement de la Révolution, mais va chercher à étendre ici, au Canada français, la Révolution. Ce qu'il prône, c'est une révolution non pas politique, mais une révolution sociale. Et les idées qu'il véhicule dans son journal sont des idées qui seront reprises plus tard par l'Institut canadien à partir de 1847 et qui seront récupérées au 20e siècle par tous les esprits libéraux, laïcisants. Il y a donc une tradition laïcisante qui remonte, à mon sens, à la Gazette, à la fondation de la Gazette de Montréal. Au son de la Marseillaise, c'est le père Gilles Chaussé que vous entendiez à l'émission Second Regard en septembre 1989 pour nous parler de la résonance et des retombées qu'aura eu ici la Révolution française. Je reçois l'historien et professeur à la TELUC, Éric Bédard. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. C'est intéressant cet extrait qu'on vient d'entendre parce que, assez clairement, en tout cas selon le père Chaussé, contrairement à ce qu'on a longtemps dit et pensé, Éric, elle sera très présente. Il y aura un vrai écho de cette Révolution française chez nous, au Bas-Canada. Ben d'abord, il dit deux choses, le père Chaussé. Premièrement, nous n'étions pas coupés du monde. Nous savions ce qui se passait dans le monde et il n'y avait pas un seul filtre pour nous expliquer ce qui se passait ailleurs, notamment un événement aussi bouleversant que la Révolution française. Et deuxièmement, il n'y a pas eu que le pôle traditionnaliste clérical qui était complètement monolithique et hégémonique. Il y a eu, à côté de ça, un pôle peut-être minoritaire, certainement minoritaire pendant longtemps, plus républicain, plus favorable à la laïcité. Et il est vrai que Fleury de Mesplet, qui était originaire de Marseille, qui était un ardent défenseur des idéaux de la Révolution américaine, qui arrive ici, qui fonde ici en 1778 la Gazette, était un des défenseurs de ces idées. Il avait d'ailleurs été emprisonné par le pouvoir colonial britannique pendant quelques années. Il a relancé la Gazette de Montréal en 1785 dans une version bilingue. Donc, il y avait au moment de la Révolution française au moins deux journaux qui informaient les gens de ce qui se passait. La Gazette de Québec, fondée en 1764, qui résumait ce qui se passait, qui n'avait pas une ligne éditoriale nécessairement très forte. Et la Gazette de Montréal, beaucoup plus clairement républicaine et favorable, engagée et favorable aux idéaux des Lumières, qui elle aussi rapportait ce qui se passait avec, dans le cas de la Gazette de Montréal, un biais évidemment très favorable. Ouais. Donc, réelle résonance de ces événements qui se passent en France, mais aussi des idées révolutionnaires qui vraiment vont vivre un temps ici. Ce qui est intéressant, ça nous ramène à la Révolution comme telle qui va se vivre en deux temps. Mais ce qui est intéressant, on le voit, on va le voir tout au cours de l'émission, c'est que ces deux temps qui définissent cette Révolution française là-bas en France auront un impact dans la réaction que le Bas-Canada aura à ces événements qui se feront aussi, qui se vivront en deux temps. Absolument. Le premier temps, Éric, c'est quoi, 1789, 1792, les grandes réformes. Comment résumer cette première période? Alors, vous savez que là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui a longtemps été sacrilège pour les républicains français. Un homme comme Georges Clémenceau disait à la fin du 19e siècle, la révolution est un bloc. C'est à prendre ou à laisser. On prend tout ou on laisse tout. Et si on laisse tout, ben c'est forcément qu'on est un monarchiste, qu'on est un réactionnaire. Les historiens des dernières années ont bien montré qu'il y a deux phases, il y a deux moments à la Révolution française. Le premier moment, on pourrait dire que c'était le moment réformiste, le moment plus libéral. Au fond, c'est un moment qui est provoqué par les événements. La France vit une sorte de banqueroute. Louis XVI est forcé un peu de convoquer les États généraux de la France, les États généraux qui regroupaient les trois ordres. Hein, on appelait, il y avait l'aristocratie, il y avait le clergé et il y avait ce qu'on appelait le tiers-État, c'est-à-dire le reste. Ouais. Donc, tous ceux qui n'étaient ni du clergé ni de l'aristocratie. Pourquoi cette convocation un peu précipitée? C'est parce que la France avait soutenu les États-Unis durant la guerre d'indépendance. Ça avait coûté extrêmement cher et elle allait devant le peuple pour lever de nouvelles taxes. Oui. C'était la seule raison. Les derniers États généraux remontaient à plus de 150 ans. C'était exceptionnel comme formule là, qu'on convoquait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on convoque les États généraux, mais là, le pouvoir royal va être complètement dépassé, ne serait-ce que parce que le 17 juin 1789, eh bien, le tiers-État se constitue en Assemblée nationale. Hein, proclame qu'au fond, la vraie voix de la nation et du peuple, ce sont les députés du tiers-État. Trois jours plus tard, les mêmes députés font le serment du jeu de paume et jurent de revoir les institutions du pays. Et là, ben, les événements vont se précipiter. Le 14 juillet 89, la prise de la Bastille. Trois jours plus tard, le roi porte la cocarde. Le 4 août, on abolit les privilèges de la féodalité. Le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, tout s'emballe et ça va très vite, mais même ça va très vite même au plan religieux. Puisque c'est là un enjeu assez sensible, l'Assemblée nationale va saisir les biens du clergé en novembre 89 et la même Assemblée nationale, en 1790, va voter la constitution civile du clergé un peu plus tard et puis exiger que tous les prêtres prêtent serment à la nouvelle constitution. Ouais. Et là, évidemment, cette dernière mesure crée une tension, mais on reste dans une phase libérale. On a vraiment le sentiment que la France s'achemine vers une monarchie constitutionnelle. C'est la première période de cette Révolution française. La deuxième, c'est celle qui est plus proprement révolutionnaire, en tout cas plus violente, et celle surtout, Éric, font la grande différence, c'est que c'est dans la deuxième période qu'on s'attaque directement à la monarchie. Complètement. Alors, vous voyez cette mesure, hein, cette volonté de forcer le clergé de se plier à la Constitution nouvelle, au régime nouveau, va éloigner le roi de ce nouveau régime qui est en train de prendre place. D'ailleurs, le 20 juin 1791, lui et sa femme vont fuir à Varennes, ils vont être interceptés. Le roi donne des signes de conciliation quelques semaines plus tard, mais finalement, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner puisque la France, à partir de 1792, va entrer en guerre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de coalition des monarchies qui entourent la France, une coalition des monarchies, surtout une coalition des familles monarchiques qui vont vouloir prêter main forte aux Bourbons, qui vont vouloir soutenir Louis XVI et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui était une Autrichienne d'origine. Donc, il y a une coalition qui se met en place et donc, les gens qui sont favorables à des changements constitutionnels en France vont dire, eh bien, vous voyez, cette coalition de monarques appuie notre roi, donc notre roi est peut-être un traître. Notre roi, on ne peut plus lui faire confiance et vont s'enchaîner ce qu'on peut appeler la phase jacobine, où là, carrément, on va vouloir remettre en question même la monarchie, alors que dans un premier temps, on voulait concilier la monarchie et une forme de constitutionnalisme libéral un peu à l'anglaise. Exactement. Et donc, le 13 août 92, le roi et sa famille vont être incarcérés à Paris. Un nouveau régime est constitué, qu'on va appeler la Convention, beaucoup plus radical que le précédent. La royauté est abolie le 21 septembre 92. Le 11 décembre, le roi comparaît à l'Assemblée et le point le plus culminant, c'est le 21 janvier 1793. Le roi sera guillotiné et par la suite, d'autres membres de sa famille, dont sa femme. Il va se mettre en place aussi un tribunal révolutionnaire. C'est vraiment une phase qu'on qualifie de terreur. Voilà. Et ce qui est fascinant, je reviens là-dessus, c'est que ces deux temps de la Révolution, le premier temps des réformes et le deuxième temps de la terreur, ça correspond exactement à la façon dont tout ça sera reçu de ce côté-ci de l'Atlantique. Commençons par les premiers soubresauts. Comment sont accueillis chez nous, au Canada, au Bas-Canada, ces premières secousses, celles qui correspondent à la période 1789-1792? Bon, alors, dans un premier temps, quand on apprend que la France est en banqueroute, on dit c'est bien fait pour elle. Elle a soutenu les insurgés américains, les révolutionnaires américains. Ça, c'est les élites, britanniques de la colonie qui apprennent ça. Donc, elle est sur le bord de la banqueroute, elle est en faillite, c'est bien fait pour elle. Et ça, c'est un peu narquois. Mais par la suite, lorsqu'on voit que la France s'achemine vers une sorte de monarchie constitutionnelle, eh bien, la réaction est positive. La réaction est positive parce que ce que les gens d'ici vont dire, c'est au fond, surtout les élites britanniques, au fond, la France est en train de vivre sa révolution glorieuse, celle que les Britanniques ont vécue en 1688. Au fond, elle s'achemine vers un régime constitutionnel, une monarchie tempérée, un parlement qui va contrebalancer le pouvoir du roi. Et tout ça est sain, tout ça est bien. Et c'est en gros la ligne qui ressort des journaux de l'époque. Donc, un premier temps vraiment qui est très, très bien perçu ici. Ça se gâte quand ça devient plus violent et quand on s'attaque directement au clergé et à la monarchie. Qui sont les voix qui, tout à coup, vont s'élever pour dénoncer ce que devient l'esprit révolutionnaire, Éric Bédard? Ben, d'abord, les voix, ce sont notamment les voix qui sont les députés britanniques, parce que n'oublions pas qu'en 1791, on a, à partir de ce moment-là, un parlement au Bas-Canada qui va se constituer. Et donc, un certain nombre de membres de cette élite du Bas-Canada vont vraiment tourner complètement leur perspective sur cette révolution. À partir du moment où le roi est incarcéré, à partir du moment où on veut proscrire, où on veut soumettre le clergé à une nouvelle constitution, à partir du moment où on va défier même le pouvoir et la parole du pape, oui, puisque c'est ce qui sera fait, et surtout, là c'est la cerise sur le sundae, à partir du moment où l'Angleterre déclare la guerre à la France révolutionnaire, eh bien là, tous les astres sont alignés, oui, pour qu'on se dise que cette révolution entre dans une phase extrêmement trouble, dangereuse, et d'aucune façon on ne veut s'associer, oui, à ce tournant jacobin révolutionnaire, voilà, de la France. Le pouvoir colonial britannique, bien sûr, qui a maintenu chez lui la monarchie et contre ce mouvement contre la monarchie française. Et puis le clergé qui en prend pour son rhume en France. Il y a beaucoup de prêtres, d'ailleurs, français, qui vont venir ici, fuyant les persécutions qu'ils subissent en France. C'est très intéressant. Et il y a Guy Laperrière qui a étudié le phénomène qui s'est produit presque un siècle plus tard. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses persécutions au début du 20e siècle en France contre certaines congrégations, par les laïcars, comme on les appelait, et de nombreux prêtres, de nombreuses congrégations sont venus au Québec. Et Guy Laperrière a bien étudié le sujet. Bien, un peu le même phénomène va se produire durant les années 1790. Il y a un certain nombre de prêtres qui vont fuir la France, oui, et qui vont amener avec eux une vision, évidemment, leur propre conception de la Révolution, qui va influencer les gens d'ici, oui, en disant « c'est terrible ce qui se passe, on est en train de... la France devient impie, la France, hein, qui était supposément la fille aînée de l'Église, eh bien, cette France-là tourne sa veste, renonce à Dieu, mm-hmm, et ils vont amener avec eux leur perspective très sombre sur cet événement. » Petite parenthèse, Éric Bédard, on l'a souligné, les Français, au fond, qui ont aidé les révolutions américains à faire leur indépendance, leur révolution. Comment est perçue cette révolution française aux États-Unis? Alors, écoutez, il y a deux perspectives. Il y a la perspective de Thomas Jefferson qui dit qu'il faut absolument soutenir cette France dans ses velléités révolutionnaires. Après tout, les États-Unis sont une nation révolutionnaire, donc doivent soutenir la France dans ses réformes. Et de l'autre côté, il y a un personnage comme Alexander Hamilton, plus conservateur, qui ne veut pas froisser l'allié britannique. On est trop petit, on est en train de naître, c'est pas le moment de retourner en guerre. Alors, il y a deux perspectives. Et donc, George Washington, le premier président des États-Unis, lui, va opter pour la neutralité. Oui. Mais ce qui est fascinant, c'est que la France conventionnelle, jacobine, révolutionnaire, va envoyer aux États-Unis un ambassadeur, un jeune ambassadeur, tout jeune homme, qui n'a même pas 30 ans, un certain Edmond Charles Genet. Et ce jeune homme va donc faire des pieds et des mains pour attirer les Américains vers la perspective révolutionnaire. Mais pendant qu'il est ici, il va être ici très quelques mois seulement, il va publier en janvier 1794, un manifeste de la France libre qui sera destiné aux Canadiens. Tout autour de vous, écrit-il, vous invite à la liberté. Le pays que vous habitez a été conquis par vos pères. Il ne doit sa prospérité qu'à leurs soins et aux vôtres. Cette terre vous appartient. Elle doit être indépendante. Alors, cet appel sera entendu par quelques jeunes, mais c'est vraiment intéressant de voir que ce personnage voulait, d'une certaine façon, que le Canada redevienne français. Que les idées révolutionnaires se propagent chez nous. Oui. Donc, impact quelques jeunes, mais quel genre de, sinon, quel genre d'impact ce discours a chez nous? Écoutez, on n'a pas beaucoup d'indices là-dessus. Les recherches sont plutôt minces. On a le cas de ce jeune Henri Mézières qui, en octobre 1793, décide, alors qu'il n'a que 20 ans, de quitter le Bas-Canada pour aller soutenir l'effort révolutionnaire en France. Il écrit des lettres pathétiques à ses parents, dont on a gardé copie, qui sont très belles. Mais, sauf quelques cas isolés, on n'a pas beaucoup d'exemples de soutien à cette France révolutionnaire. Mais il y a quand même, dans la Gazette, dans les conversations, des idées révolutionnaires qui sont discutées chez nous, à Montréal et à Québec. Comment réagit le pouvoir colonial anglais à la diffusion de ces idées révolutionnaires au Bas-Canada? On écoute Michel Keble lire un extrait d'une proclamation qui est signée par le gouverneur Dorchester en novembre 1793, extrait de l'émission Au fil du temps, diffusée en 1989. J'ai jugé à propos d'émettre cette présente proclamation enjoignant et requérant strictement tout magistrat, capitaine de milice, officier de paix et autres bons sujets de Sa Majesté, de faire toute leur diligence pour découvrir toute et chaque personne qui pourront tenir des discours séditieux ou d'autres paroles tendant à la trahison, répandre de fausses nouvelles, publier ou distribuer des papiers, écrits ou imprimés diffamatoires qui tentent à exciter le mécontentement dans les esprits ou diminuer l'affection des dix sujets de Sa Majesté ou troubler en aucune manière la paix et le bonheur dont on jouit sous le gouvernement de Sa Majesté dans cette colonie. C'est un appel, en quelque sorte, à la délation, à ce qu'on vient d'entendre, Éric Bédard. Comment ça va se passer, en fait? De quelle nature sera la réaction du pouvoir colonial britannique à ces idées qui sont marginales, mais qui sont là, ces idées révolutionnaires? C'est sûr qu'il y a de la nervosité, d'autant que 20 ans plus tôt, à peine, il y avait cette République américaine qui avait courtisé ses habitants du Canada pour se joindre à eux. Alors donc, 20 ans plus tard, on a cette même nervosité. On ne souhaite pas que les gens, les Canadiens épousent les thèses de ces révolutionnaires français. Et en effet, on invite ceux qui auraient l'air de penser ceci ou cela de se dénoncer. Alors oui, il y a un climat de surveillance, de peur. Il est très difficile, on a peu de traces pour comprendre comment l'opinion publique, comment par exemple les Canadiens et les francophones de la vallée du Saint-Laurent réagissaient à ces idéaux. On peut penser qu'il circulait, mais chose certaine, on n'a pas beaucoup d'indices de soutien. Ouais. Et ce que l'histoire nous dit, bien sûr, c'est que, appelons ça le camp contre-révolutionnaire, mais le pouvoir britannique, colonial britannique en place, le clergé catholique vont gagner un peu. De toute façon, ça, c'est le résultat des courses, ce débat d'idées qui se fera au cours de la Révolution française chez nous. Et ça nous ramène à ce qu'on évoquait au tout début de l'émission, cette idée de conquête providentielle. On écoute l'historien René Durocher nous en parler à l'émission Le matin de la fête en 1986. Le grand crime de la Révolution française, c'était le fait d'abolir la monarchie. La monarchie, elle était de droit divin, c'était pour les Canadiens la forme naturelle de gouvernement, et ça, c'était un scandale. Mais le paradoxe, c'est que l'Angleterre est un régime monarchique et qu'on vit, après la conquête, sous un régime monarchique. Et ça va nous aider à comprendre une chose. Quand on entend, par exemple, Monseigneur Plessis et par la suite d'autres évêques ou historiens parler de la conquête providentielle, ce qui était providentiel du point de vue de l'Église, c'est que ça nous avait protégés de la Révolution française, qui, évidemment, était très négative à l'égard de l'Église catholique et à l'égard de la monarchie. Donc, on considérait que les Anglais, malgré tout, ça avait été un moindre mal comparé à ce qu'a été la Révolution française. Alors, cette idée de conquête providentielle, Éric, on vient de l'entendre, là, il y a quelque chose, on l'entend bien dans cet extrait, il y a quelque chose de très intéressé derrière cette idée-là, mais elle va faire son chemin. Qu'est-ce que ça cache, ce discours de la conquête providentielle? Ben, en fait, c'est une façon de dire, écoutez, là, la France a coupé la tête de son roi, donc renoncé à un régime d'autorité naturelle qui vient de la nuit des temps, c'est terrible, et elle a mis au pas l'Église. Elle a commis des gestes impies, elle a bafoué la religion. C'est les deux plus grands crimes qu'on peut imaginer pour des esprits, disons, modérés du 18e siècle. Donc, heureusement qu'on a eu cette conquête qui nous a épargné les affres de ce tournant révolutionnaire. Et les contre-révolutionnaires du début du 19e siècle, Joseph de Maistre, parlaient d'un acte diabolique. La révolution était un acte diabolique. Ouais. Donc, évidemment, ça veut dire aussi, ben, vous êtes bien avec nous. Hein? Vous êtes dans un régime parfait pour vous. Mm-hmm. Et heureusement que vous n'avez pas d'idée vous n'avez pas de mauvaises idées de vous détourner. Et ce discours, au fond, de la conquête providentielle va s'imposer comme un peu le discours des vainqueurs, parce que c'est ces contre-révolutionnaires, l'Église, le pouvoir anglais, qui vont remporter, encore une fois, ce débat ici. Mais même si c'est ce pouvoir colonial britannique et le clergé qui remporte le débat ici, je vous propose, en terminant cette émission, d'écouter à nouveau le père Gilles Chausset à l'émission Second Regard, en septembre 89, qui nous dit qu'il y a quand même eu, à ce moment-là, où on parlait d'idées révolutionnaires au Bas-Canada, une graine qui a été semée chez nous. Il y aura ce que j'appelle la contre-révolution de l'Église. C'est que les idéaux révolutionnaires, les idéaux laïcisants de la Révolution vont influencer le discours politique de Louis-Joseph Papineau, vont influencer également son discours social. Papineau entendait redéfinir la société québécoise en termes laïques. Et à partir de 1820, il va y avoir une réaction au sein des chefs religieux, en particulier chez Mgr Lartigue. À la révolution des clercs, à leur projet d'une société laïque, il oppose un projet d'une société de chrétienté. C'est le projet de société de Mgr Lartigue, repris par son successeur, Mgr Bourget, qui va triompher après 1840. Ça, c'est diablement intéressant, oui, cette façon de voir l'histoire. En effet, du côté de Mgr Lartigue et Bourget, il y a une perspective vraiment clairement contre-révolutionnaire, très, très affirmée. Du côté des laïcs, y compris de ceux qui ont adhéré au Parti canadien, je ne suis pas convaincu que la référence, par exemple, aux événements de la terreur, à la phase jacobine de la Révolution, ait été importante. Par contre, l'idée de liberté. L'idée de liberté qui a été par la suite reprise par les États du Nouveau Monde, oui, par les nations du Nouveau Monde, qui ont probablement beaucoup plus influencé, on le sait maintenant avec le développement de l'historiographie, quelqu'un comme Louis-Joseph Papineau, que l'idéal jacobin de la Révolution française, ont certainement eu un rôle très, très important qui vont mener aux rébellions de 1837. Éric Bédard, c'était fascinant. Merci beaucoup. Merci. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, auteur du livre L'histoire du Québec pour les nuls. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.